fragile, fragile est l'être en proie au doute. Écoute, et quand la mort est là-dedans la peau, et quand l'épreuve, et quand j'entends trop de vraies souffrances, c'est comme un miroir, comme un bouche à bouche, je sens un souffle qui naît à l'unisson. Un tragique goutte de vie.